L'Éternel notre Seigneur, qu'il est puissant ton nom, par toute la terre, lui qui redit ta majesté, plus haute que les cieux, par la bouche des enfants, des tout petits, tu l'établis lieu fort à cause de tes adversaires, pour réduire l'ennemi et le rebelle. Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est donc le mortel que tu t'en souviens, le fils d'Adam que tu le veilles visiter. À peine le fis-tu moindre qu'un Dieu, tu le couronnes de gloire et de beauté pour qu'il domine sur l'œuvre de tes mains. Tout fut mis par toi sous ses pieds. Rebis et bœufs tous ensemble, et même les bêtes des champs, oiseaux du ciel et les poissons de la mer, quand il va par les sentiers des mers. L'Éternel notre Seigneur, qu'il est puissant ton nom, par toute la terre.